بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، mes frères bien-aimés, qu'Allah Azza wa Jalla vous accorde la meilleure récompense pour vos efforts et qu'il nous accorde à tous une science utile et profitable et qu'il nous fasse profiter de cette dernière et qu'il nous utilise dans le bien de sa religion et de ses serviteurs. De par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, nous poursuivons les cours de cette soirée qui sont des cours de Tawhid et nous sommes actuellement en train de citer les noms d'Allah Azza wa Jalla, les noms merveilleux d'Allah et les plus beaux, et citer une partie de leur définition, de leur sens et de leur portée et quelques jugements liés à cela. Nous sommes actuellement en train de citer le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Latif, le subtil dans sa science et dans sa bienfaisance. Et la dernière chose que nous avons vue ensemble, c'était la portée, ou bien les portées, quelques portées de ce nom ou quelques significations qui découlent de ce nom. Nous avons cité pour cela 5 éléments, qu'il est celui qui a une science, la science la plus vaste, et qu'il a la plus vaste sagesse, et que c'est le tout miséricordieux, très miséricordieux, bienfaiteur et gracieux, et qu'il est capable, et qu'il est le tout puissant, le victorieux, le triomphant, et qu'il est immense et majestueux, rien ne peut le cerner, ni par la perception, ni par la science. Et nous avons expliqué cela selon ce qu'Allah Azza wa Jal nous a permis. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, nous poursuivons en citant quelques éléments complémentaires. Et c'est auprès d'Allah Subhanahu Azza wa Jal que j'implore succès, rectitude et droiture dans ce qui va être dit, tout en implorant Subhanahu wa Ta'ala de nous accorder une science utile et profitable, et qu'il nous fasse profiter de cette science, et qu'il nous utilise dans le bien de sa religion et de ses serviteurs. Amin. Donc la semaine passée, nous avons cité quelques sens qui découlent du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Latif. Nous avons cité ce que nous venons, il y a quelques instants, de résumer de manière très concise. Il y a un autre élément qui est lié à cela, et qui succède ce que nous avons cité la fois passée, c'est le fait de dire que ce nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Latif, renvoie et inclut en son sein un bon nombre de noms d'Allah Azza wa Jal. Rappelez-vous, les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas comme les noms d'êtres humains ou de création ou de créatures. Elles ont des attributs très différents. Et parmi ceux-là, les noms d'Allah Azza wa Jal vont tous dans le même sens. Et ils sont tous complémentaires, jamais opposés. Et ils s'enrichissent les uns les autres. Et ils s'expliquent les uns les autres. Et ils se donnent les uns les autres plus de valeur et plus de sens. Parmi ceux-là, il y a le fait que certains noms renvoient vers d'autres noms et englobent d'autres noms. Voilà pourquoi on va citer de manière très concise et très succincte les noms d'Allah Azza wa Jal auxquels renvoie ce nom, ou bien qui sont inclus dans ce nom Al-Latif. À la lumière de ce que nous avons vu la semaine passée, tous les noms de la souveraineté absolue d'Allah Azza wa Jal sont inclus dans ce nom. Parmi ceux-là, le nom Allah, Ar-Rabb, le Seigneur, Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, As-Samad, l'absolu, et ainsi de suite. Car pour être Latif, pour avoir les attributs qui découlent du nom Al-Latif, tous ces noms et tous ces attributs sont nécessaires. Voilà pourquoi dire que Allah est Al-Latif, cela implique nécessairement et obligatoirement que c'est Allah. Parmi ces noms, c'est Allah, Ar-Rabb, le Seigneur, et ainsi de suite. Parmi les noms qui sont inclus dans ce nom Al-Latif, nous avons les noms de la science et de la sagesse. Nous avons dit que Al-Lutf, la subtile bienfaisance d'Allah Azza wa Jal, nécessite et renvoie vers la science et la sagesse. Donc tous les noms qui renvoient vers la science et la sagesse sont inclus dans ce nom-là. Notamment, Al-Alim, le savant, le parfaitement informé, l'enveloppant, le sage, le clairvoyant, et ainsi de suite. Une autre famille de noms d'Allah Azza wa Jal est incluse dans ce nom, ou bien ce nom renvoie vers cette autre famille de noms d'Allah Azza wa Jal, c'est la famille des noms de la puissance et de la force. Nous savons le Tout-Puissant, le Fort, le Puissant, le Dominateur Suprême, le Contraignant, le Triomphant, et ainsi de suite. Et enfin, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal qui sont englobés dans ce nom Al-Latif, ou qui sont renvoyés vers qui ce nom renvoie, nous avons les noms de la miséricorde et de la bienfaisance. Donc tous les noms d'Allah Azza wa Jal qui font référence à la miséricorde d'Allah, tous les noms d'Allah Azza wa Jal qui font référence à sa bienfaisance sont inclus dans ce nom Al-Latif. Donc nous avons par exemple le pardonneur, le très miséricordieux, le bienfaiteur, le généreux, le pourvoyeur, le doux, le compatissant, le très bienfaiteur, et ainsi de suite. Donc tout ça pour dire encore une fois que les noms d'Allah Azza wa Jal sont liés les uns vers les autres et renvoient les uns vers les autres, sont liés les uns les autres et renvoient les uns vers les autres et sont complémentaires. Et ceci fait partie de la perfection de notre Seigneur et Créateur, le Tout, Subhanahu wa Ta'ala. Et Allah Azza wa Jal est plus sage et plus savant. Après ce que nous avons cité, il nous reste le dernier point de ce cours concernant ce nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Latif. Ce dernier point, c'est comment recenser ce nom d'Allah Azza wa Jal. Rappelez-vous, à chaque cours, nous rappelons que Allah, le hadith dans lequel le prophète a dit « Allah a 99 noms, 100 moins 1, celui qui le recense rentrera au paradis. » Comment recenser les noms d'Allah? Nous l'avons cité plusieurs fois. Et donc nous allons appliquer cela dans ce nom d'Allah. Recenser le nom d'Allah, Al-Latif, signifie trois grandes lignes. Premièrement, connaître ce nom et le mémoriser. Deuxièmement, connaître son sens et ses portées. Troisièmement, adorer Allah Azza wa Jal à travers ce nom. Connaître ce nom et le mémoriser, ça c'est une chose qui est à la portée de la majorité des arabophones. Parce que, alhamdoulilah, c'est un nom qu'on lit dans le Coran, il y a beaucoup de gens qui sont appelés Abd al-Latif, alhamdoulilah, c'est répandu. Mais il se peut que nos frères et nos sœurs non-arabophones, francophones, anglophones, russophones, ou d'autres origines, qui ne connaissent pas ce nom. Ils peuvent connaître la traduction, le sens, mais ils ne connaissent pas ce nom. Donc il convient à ces personnes, ces frères et sœurs, de connaître ce nom dans leur langue, il n'y a pas de souci, mais aussi dans la langue arabe. Il faut qu'ils apprennent que le subtil dans sa science et dans ses bienfaits, en arabe on le dit Al-Latif. Alhamdulillah, c'est un nom qui est très léger, très facile à prononcer. Donc on connaît le nom en arabe, on le mémorise, il faut le mémoriser, alhamdulillah c'est facile, surtout si on le mémorise au fil du temps. Ensuite, connaître le sens et la portée. Et ça, c'est ce que nous venons de citer, tout ce que nous avons cité avant aujourd'hui, concernant ce cours. Ce que nous avons cité par rapport à cela, c'est une connaissance, c'est une science, c'est un savoir. Mais le but de la science du savoir, c'est la mise en pratique, c'est les œuvres. On apprend la science, certes, parce qu'elle est utile et profitable, mais il faut l'utiliser là où il faut et quand il faut. De ce fait, connaître tout ce que nous avons cité et plus, c'est très noble, c'est très méritoire. Mais si tu connais tout ce que nous avons cité et qu'après, face à la toute première épreuve et à la toute dernière épreuve, tu fais fi de tout ce que tu as appris, tout ce que tu as connu à ce sujet-là. À quoi t'aurait servi cette connaissance et cette science ? À rien. Et c'est comme toute chose. Donc la science est noble, elle est demandée, elle est voulue en soi, mais il ne faut pas s'arrêter à la science elle-même. Il faut avoir la science et aussi avoir le fruit de la science, les fruits de la science, qui sont les bonnes œuvres. Donc celui qui connaît toute la science, pas toute la science, personne ne peut cerner la science liée au nom d'Allah Azza wa Jal, mais celui qui connaît beaucoup de ce qui est lié à ce nom, mais qui ne le met pas en pratique, lorsqu'il est éprouvé, il est à craindre que cette science et ce savoir soient une preuve contre lui le jour de la résurrection. Et voilà pourquoi nous accordons un certain intérêt à cet élément du cours. C'est l'aspect pratique de la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal. Car si vous voyez les livres qui sont édités dans l'explication des noms d'Allah, il y en a plusieurs. Surtout dans les contemporains ont écrit beaucoup de livres. Mais très souvent, on a la première partie, la connaissance et la science. Ça peut être très utile, très profitable, mashallah, alhamdoulilah. Mais comment puis-je vivre mon quotidien à travers ce nom et ce qu'il implique? Ça, c'est une chose qui n'est pas aussi répandue que le premier aspect. Comment adorer Allah Azza wa Jalla à travers ce nom? Ceci se réalise par trois points. Le premier point, c'est d'attribuer à Allah Azza wa Jalla ce nom de la manière la plus parfaite, selon sa grandeur, sa beauté, sa majesté, en lui attribuant également l'attribut qui découle de ce nom, de la même manière, et lui attribuer également le sens et les portées de ce nom, sans déformer ni annuler, et sans donner d'exemple ni de comparaison. En gros, on doit appliquer ce qu'on a appris, ce qu'on apprend dans la Aqida, concernant les noms et attributs d'Allah, on doit l'appliquer sur ce nom-là. Allah s'est nommé Al-Latif, nous on doit dire que parmi les noms d'Allah, Al-Latif. On attribue à Allah ce nom comme il lui convient, de manière parfaite, de manière majestueuse, belle, souveraine. Et on lui attribue l'attribut qui découle de ce nom. Il est Al-Latif, donc c'est lui Al-Latif. Donc il a l'attribut de Al-Lutf. Il a la subtilité dans sa science et dans sa bienfaisance. Donc on lui attribue cet attribut. Mais on l'attribue à Allah Azza wa Jal comme il lui convient. Lui, c'est Allah, le Seigneur des mondes. On lui attribue ce nom comme il convient à sa grandeur, à sa majesté, à sa beauté. On ne lui attribue pas uniquement un nom. Un nom vide, un nom creux. On lui attribue un nom, mais un nom qui a un sens. Un nom qui a des attributs. Il se peut qu'une personne s'appelle Mohammed. Mohammed, ça veut dire quoi? Celui qui est digne de louange. Mais il se peut que cette personne ne soit pas du tout digne de louange. Parce qu'elle fait des mauvaises choses, etc. Elle ne fait pas de bonnes choses. Il se peut qu'une personne s'appelle Hakim, sage. Mais qu'en vrai, cette personne manque de beaucoup de sagesse. Allah Azza wa Jal, les noms qu'il a, il a également les attributs qui découlent et l'essence qui découle de ces noms. Et même les portées. Vous voyez ce que nous avons cité il y a quelques instants? Allah, c'est Al-Latif, cela veut dire qu'il est fort et puissant. Pourquoi? Pour faire parvenir sa bienfaisance à ses serviteurs, il doit être fort et puissant. Parce qu'il se peut qu'il y ait des gens qui ne veulent pas, qu'il t'empêche d'avoir un bienfait, de gagner de l'argent, C'est pour ça qu'il y a des gens qui te font le sahur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui invoquent contre toi. C'est pour ça des gens qui vont faire la calomnie à ton sujet. Ils vont parler de toi. Faites attention, lui. Ne... Mais pour qu'Allah Azza wa Jal te fasse parvenir les bienfaits qu'il veut qu'ils te parviennent, il doit être au-dessus de toutes ces personnes qui cherchent à t'empêcher. Des fois, il y a des personnes qui veulent te nuire. Ils veulent te frapper, ils veulent te tuer, ils veulent te voler ton argent. Ils veulent. Toi, quand Allah Azza wa Jal veut faire preuve envers toi de subtilité, de bienfaisance subtile, il doit être au-dessus de toutes ces personnes. Il doit être au-dessus des personnes qui ont du pouvoir, des personnes qui ont l'argent, des armées. Voilà pourquoi ce nom renferme tous ses sens et ses portées. Alors, lorsque je veux adorer Allah Azza wa Jal à travers ce nom, parmi les choses qui m'incombent, c'est le fait de croire à ce nom, à sa définition, à son sens et à aux portées également. Comme on vient de l'expliquer concernant sa puissance et sa force et son triomphe, subhanahu wa ta'ala. On attribue à Allah Azza wa Jal tout cela sans déformer ni annuler. En effet, il y a des gens, lorsqu'ils attribuent à Allah un nom ou un attribut, ils le déforment. Ils disent, oui, Allah a ce nom, mais nous, on ne veut pas attribuer à Allah ce nom, ou le sens de ce nom, ou l'attribut de ce nom. Ils disent que Allah, c'est As-Sami' bila sam'. C'est celui qui entend, mais il ne l'entend pas. Donc, ils font que le nom d'Allah Azzawajal est dépourvu du sens. C'est juste un nom. C'est comme ça, c'est une table. C'est quoi l'attribut de la table? C'est une table, point barre. Un tel s'appelle Hakim, sage, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est sage. C'est juste qu'il s'appelle Hakim. Donc, ils ont voulu appliquer la même chose sur Allah. Alors, nous, les gens de la Sunna, on ne fait pas ainsi. On attribue à Allah Azzawajal ses noms et ses attributs sans les déformer, sans annuler leur sens et leur portée. Également, l'erreur à ne pas faire aussi, lorsqu'on attribue à Allah ce qui s'y attribuait, comme il s'y attribuait, c'est de ne pas donner d'exemple et de comparaison et de définition précise. Donc de comparaison ou bien d'exemple. Il ne faut pas donner ça à Allah. Il ne faut pas dire Allah est tel et tel comme telle et telle créature. Il ne faut pas dire Allah est tel et tel, il ressemble à telle et telle chose. Il ne faut pas faire ça. On attribue à Allah Azza wa Jal ses noms et ses attributs de la manière qui lui convient, qui lui est adaptée à la perfection d'Allah Azza wa Jal. Allahu Azza wa Jal, ala wa ala. Donc ça, c'est la première chose. Pour adorer Allah à travers ce nom, il faut attribuer tout ce que nous venons de citer de la manière que nous venons de citer. Deuxièmement, pour adorer Allah Azza wa Jal à travers ce nom, il est nécessaire d'utiliser ce nom dans tes louanges à Allah Azza wa Jal et dans tes invocations. Allah Azza wa Jal a dit « Walillahi l'asma'ul husna fad'uuhu biha » À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le avec. Il n'a pas dit « Allah a un nom, utilisez un nom pour l'invoquer ». Si on dit « Ya Allah » dans tous nos doigts, c'est correct. Si on dit « Ya Rabbi » dans tous nos doigts, c'est correct. « Ô mon Seigneur, ô Allah », c'est correct. Mais mieux que cela, c'est d'utiliser les noms d'Allah Azza wa Jal, utiliser le maximum de noms d'Allah Azza wa Jal dans tes invocations. Exemple, et il faut utiliser les bons noms. Exemple, une personne te fait une injustice, pure et dure, et gratuite. Sans rien, comme ça, elle est injuste, elle est mauvaise. Tu ne vas pas dire, oh toi le tout miséricordieux, très miséricordieux, donne-moi raison. Ou bien, tu ne vas pas utiliser ces deux noms pour invoquer contre cette personne. Tu veux invoquer contre cette personne, tu utilises les noms, oh toi le juste, oh toi le triomphant, oh toi le fort, et ainsi de suite. La même chose, tu veux faire une invocation concernant la subsistance. Tu ne vas pas dire « Ô toi le triomphant, ô toi le tout-puissant ». Tu vas utiliser les noms qui sont adaptés à la subsistance. « Ô toi, ô Allah, tu es le Qayyum, Tu es celui qui subvient à lui-même par lui-même et celui qui subvient à toute sa création. Tu dis par exemple, ô toi, ô Allah, tu es le Samad, celui vers qui les serviteurs reviennent vers toi pour formuler leurs demandes. Ô Allah, tu es le tout miséricordieux, très miséricordieux. Fais-moi preuve de tes bontés. Ô Allah, tu es celui qui subvient aux besoins de ses serviteurs. Et ainsi de suite. Donc tu utilises les noms qui conviennent. Ce nom-là, Al-Latif, doit être également utilisé dans nos doigts, mais dans le bon moment. Qu'est-ce que le bon moment? C'est le moment, c'est la situation qui correspond au sens et à la portée du nom d'Allah, Azzawajal, Al-Latif. Exemple, et ce n'est qu'un exemple, hein. Tu fais face à une épreuve quelconque. Tu fais face à une épreuve quelconque. Par exemple, tu cherches du travail et tu ne trouves pas. Tu vas à un entretien, on te refuse. Tu envoies des CV, on te répond pas. Tu vois que les choses ne vont pas dans la direction que tu aurais souhaité. Là, tu dois revenir vers Allah, tu dois l'invoquer. Parmi les invocations que tu peux faire, j'ai dit parmi, donc ce n'est pas la seule, mais parmi les invocations que tu peux faire, c'est d'utiliser ce nom. Oh Allah, tu es le subtil bienfaiteur. Fais que cette situation compliquée dans laquelle je suis s'ouvre et se facilite à moi et qu'elle soit un chemin qui me mène vers des bienfaits venant de toi. Et rappelez-vous, ça fait partie des sens que nous avons cités de ce nom. Et ainsi de suite, sur beaucoup d'autres situations. Tu perds de l'argent, tu es éprouvé par une maladie, tu as fait un péché, ou quoi que ce soit. Utilise ce nom pour que Allah Azza wa Jal transforme la situation dans laquelle tu es par une situation qui est meilleure pour toi dans ce bas monde et dans l'au-delà et dans ta religion. Donc, ce nom doit être utilisé dans l'invocation d'Allah Azza wa Jal au bon moment. Et aussi, ce nom doit être utilisé dans les éloges d'Allah. En effet, Allah Azza wa Jal aime les éloges. C'est pour ça, lorsque vous lisez le Coran, vous trouvez beaucoup d'éloges d'Allah. Ces éloges se formulent avec, en citant ses noms et ses attributs. Donc, il convient que tu fasses les éloges d'Allah Azza wa Jal en utilisant ses noms et attributs. Parmi ceux-là, ce noble nom d'Allah Azza wa Jal. Oh Allah, c'est toi Al-Latif, c'est toi le bienfaiteur, c'est toi le pourvoyeur, et ainsi de suite. Tu commences une assise, par exemple, tu es en réunion de famille, vous devez parler d'un sujet quelconque. Voilà, il dit « Bismillahirrahmanirrahim », j'implore Allah Azza wa Jal à travers ses noms, le tout miséricordieux, très miséricordieux, et Al-Latif, tu cites ce nom. Comme ça, tu utilises ce nom dans ta vie de tous les jours, dans tes doigts et dans tes éloges, et Allah Azza wa Jal est plus sage et plus savant. Le troisième point, le troisième point de l'adoration d'Allah Azza wa Jal à travers ce nom, c'est le point qui porte le même nom. C'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal à travers ce nom. C'est concrètement vivre avec ce nom dans ta vie de tous les jours. Chose que nous citerons, Inch'Allah Azza wa Jal, après les avoir dit en premier en arabe. Parmi les sujets les plus importants de ces cours, les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est comment adorer Allah Azza wa Jal à travers ce nom. Comment pratiquer cela, comment vivre cela dans la vie de tous les jours. J'ai recensé 10 points. 10 points. Et en vrai, 10 points, c'est qu'une partie de tout ce qui peut être cité dans ce sens. Rappelez-vous, on parle des noms d'Allah. Personne, strictement personne, ne peut cerner la totalité des sens des noms d'Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi ce qu'on cite, c'est uniquement quelques éléments les plus apparents, les plus clairs, les plus simples à comprendre, à voir, à percevoir. Mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Et peut-être que ce qu'on connaît est beaucoup plus important et plus profitable que ce que... peut-être que ce qu'on ne connaît pas peut être beaucoup plus important et plus noble que ce qu'on connaît. Le premier de ces points, c'est que tu saches, donc pour vivre avec ce nom, pour le pratiquer, pour le réaliser le sens de ce nom et sa portée dans ta vie, il faut que, premièrement, que tu saches qu'Allah, exalté soit-il, sait toutes choses, même ce qui réunit toutes les caractéristiques du secret et du caché. Allah Azzawajal sait toutes choses. Tout ce qu'il y a à savoir, Allah Azzawajal le sait. Et rien n'est caché de lui. Il n'ignore rien, il n'oublie rien. Même si les choses ont réuni toutes les caractéristiques du secret, du caché, de l'invisibilité, de l'inapparence, et ainsi de suite. Tous ces éléments, même réunis en une chose, Allah Azzawajal la sait. Et à plus forte raison, il sait toute autre chose. Rappelez-vous, le nom d'Allah, Al-Latif, veut dire, entre autres, que c'est celui qui connaît subtilement toutes choses. Et cette connaissance, cette connaissance d'Allah Azzawajal est nécessaire pour l'autre sens du nom, qui est le subtilement bienfaiteur et bienfaiteur. Donc Allah Azzawajal sait toutes choses. Même si cette chose réunit tous les attributs de l'inapparence, du fait d'être secret et caché. Les gens de science, lorsqu'ils ont parlé de cela, ils ont cité le verset dans lequel Allah Azzawajal rapporte la parole de Luqman alayhi salam. Il a dit « Oh, mon enfant, sache que s'il y a ne serait-ce qu'un atome, une chose infiniment petite, si cette chose est au milieu d'un rocher, ou qu'elle soit dans les cieux ou dans la terre, Allah Azzawajal la ramènera. Pour la ramener, il faut savoir elle est où. Il faut savoir qu'elle existe et elle est où. » Dans ce verset, dans cette description, les gens de science ont dit que ce verset renferme plusieurs attributs de secret et d'inapparence et de subtilité. Il a dit « Innaha intaku » Donc c'est l'élément dans ce bas monde le plus infime, le plus petit. Et ça, c'est un élément, c'est ça l'attribut de l'inapparence. Tu vois, toi, une chose qui est grande, mais une chose qui est infiniment petite, tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas la connaître, parce que c'est infiniment petit. Malgré cela, Allah Azzawajal la connaît et peut la ramener. Si cette chose infiniment petite, si elle était à l'intérieur d'un rocher, vous savez comment est le rocher? C'est du solide. Tu ne peux pas voir ce qu'il y a à travers. Et que dire si ce qu'il y a à travers, à l'intérieur, c'est infiniment petit? Malgré cela, Allah Azzawajal sait cela. La voit et peut la ramener. Troisième élément, si cette chose infiniment petite, soit dans les cieux ou dans la terre, Allah Azzawajal la ramènera. Là, les gens de science ont dit que ça fait référence à l'éloignement. Que ce soit loin dans les hauteurs ou bien bas dans les profondeurs, Allah Azzawajal sait et sait qu'elle existe, la voit et peut la ramener. Donc, Allah Azzawajal sait toutes choses, même si ces choses ont réuni tous les attributs de l'invisibilité, de l'inapparence, du secret, du caché, etc. Donc, avoir ça présent dans ton esprit, dans ta vie de tous les jours, en pensant à ce nom, fait que tu pratiques cet élément lié à ce nom. Deuxièmement, pour vivre, pratiquer ce que tu dois pratiquer à travers ce nom, que tu saches et gardes présent à l'esprit que tous les événements de ce bas monde et de l'au-delà sont entièrement régis par Allah, exalté soit-il, soumis à sa volonté et à son décret. Rien ne s'en échappe. Rien n'arrive en vain, ni par hasard. Aucun humain ni djinn n'impose quoi que ce soit. Il n'existe ni malchance qui corrompt, ni chance qui produit quelque chose. Mais plutôt, ce qu'Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Cet élément a été cité pourquoi? Pour rappeler, pour faire le lien que toute chose dans ce bas monde se réalise de par la volonté d'Allah. Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre. Il n'y a pas une goutte qui tombe des nuages. Il n'y a pas un vent qui souffle. Il n'y a pas rien d'autre qui se passe dans les univers sans que ce soit une chose qu'Allah Azzawajal a décrété, a géré, a administré, a régi. Subhanahu wa ta'ala. Même la goutte de pluie qui tombe sur ton nez, c'est Allah Azzawajal qui l'a prédestinée, qu'elle tombe sur ton nez. Pourquoi ? Toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait pourquoi. Tu peux jamais savoir cela, jamais comprendre, jamais percevoir. Mais dans tous les cas, Allah le sait. Que le sache celui qui le sait et que l'ignore celui qui l'ignore. Donc, tout ce qui se passe dans ce bas-monde, et rappelez-vous, lorsqu'on parle, il faut essayer de faire le lien. On parle de généralité. Toute chose qui se passe dans ce bas-monde, c'est par la volonté d'Allah. Donc, tu pratiques ça dans ta vie. Tu es parti faire un entretien d'embauche et on t'a refusé. On a refusé de t'embaucher. C'est la volonté d'Allah. C'est Allah qui a décrété cela. C'est Allah qui a prédestiné. La personne a pu être injuste envers toi. A pu être mauvaise. A pu être ce que tu veux. Malish. Mais c'est qui a fait que ? C'est Allah. C'est Azzawajal. De même, tu conduis ta voiture. Tu marches sur un clou ou autre chose. Et tu crèves ton pneu. Qu'est-ce qui a fait que cet élément, cette chose-là, soit sur ta route le moment où tu passes et qu'elle soit dirigée le côté pointu vers le haut et que ta roue passe dessus, elle n'est pas passée juste à côté à droite ni à côté à gauche. C'est Allah qui l'a voulu. Pourquoi, comment ? Il sait. Il a la sagesse. Et toi, tu ne sais pas. Peut-être que tu verras un des aspects de cela, une des raisons, peut-être que tu ne sauras jamais. Mais dis-toi bien que c'est la volonté d'Allah. Voilà pourquoi on dit que toute chose qui se passe, c'est par la volonté d'Allah. Rien de tout ça, rien de tout ce que tu vis ne sort de ce jugement d'Allah, azzawajal, du décret d'Allah. Azzawajal. Rien, rien, absolument rien. Donc il n'y a rien qui se passe en vain. Il ne va pas dire que, voilà, si une chose qui s'est passée, si, voilà, c'est passé, mais il n'y a pas de... Il n'y a aucune sagesse derrière. Il n'y a aucune volonté, il n'y a aucune... Non, il y a toujours quelque chose. Encore une fois, tu peux ne pas savoir. Mais Allah Azzawajal le sait. Des fois, il y a des gens qui disent, voilà, il y a un animal qui est passé, que j'étais en voiture, je l'ai écrasé. Voilà, c'est une chose qui arrive dans la vie, ça n'a aucun sens, aucun enseignement, ni rien. Mais dis-toi bien qu'il y a derrière un enseignement, une science, une sagesse, une volonté divine. Tu ne peux pas la maîtriser, mais Allah Azzawajal la maîtrise, subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a rien qui se passe en vain, ni par hasard. Ça aussi, ça rejoint ce que nous venons de citer. Il n'y a pas de hasard dans la dunya. Le hasard ne fait rien. Il n'y a pas une chose qui s'appelle le hasard qui fait que ce hasard fait que tu rencontres un tel. Il n'y a pas une chose qui s'appelle le hasard que cette chose a une puissance, a une force, a une capacité, a une volonté qui fait que, de par ce hasard-là, il fait que tu gagnes de l'argent, que tu perds de l'argent ou que tu achètes une voiture au moins 2 jours avant que leur prix tombe ou autre chose. Il n'y a pas de hasard qui fait. Donc le hasard n'est pas une chose qui a une volonté, qui a une puissance et une capacité. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mal de dire que j'ai rencontré un tel par hasard. Ça veut dire quoi par hasard ? Ça ne veut pas dire que le hasard a fait que tu rencontres. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire le hasard a fait que. Mais rencontrer un tel, par exemple un frère qui habite au sud de Nantes, toi tu habites au nord de Nantes, sans rendez-vous, sans planification, sans rien, tu le trouves. Et tu avais besoin de lui. Ah, subhanallah, on s'est rencontrés par hasard. Par hasard, encore une fois, pas avec le sens que le hasard a fait que. Non, c'est juste, on s'est rencontrés sans planifier la chose, sans se donner rendez-vous, sans que tu le guettes. Non, sans. Voilà, tu partais acheter du pain, lui, il passait par là pour une raison ou pour une autre, et vous vous êtes vus, salam alaikum. D'accord ? Donc, il n'y a pas de hasard. Également, il n'y a rien qui est imposé dans les univers par un être humain ou bien par un djinn. Il n'y a rien. Que cet être humain soit une personne faible comme toi, une personne qui a une certaine puissance, qui ait un rang social, qui est qui a une puissance, qui a de l'argent, une personne qui gère un pays entier ou qui gère une armée, il n'y a rien ni personne qui peut imposer ce qu'il veut contre la volonté d'Allah. Il n'y a également pas de djinn ou de shaitan, ni Iblis, ni les al-marada, des shayatin, les plus rebelles, jazakallahu khairan, parmi les shayatin. Rien ni personne parmi tout cela ne peut imposer quoi que ce soit dans l'univers, sauf si Allah veut faire la chose, veut laisser faire pour une sagesse qu'il connaît encore une fois. De ce fait, il ne faut pas dire que ah oui, c'est le diable qui a fait que ça se passe comme ça. Ou bien non, c'est le sorcier qui a fait que je tombe malade. Et ce sorcier, je ne peux rien faire contre lui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font du shirk. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Ils pensent que le sorcier peut faire ce qu'il veut. Alors que le sorcier ne peut faire que ce qu'Allah Azza wa Jal le laisse faire. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils ne peuvent causer de nuisance à qui que ce soit, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal le veuille. Le veuille, ça veut dire il laisse faire. Et bien sûr, il y aura un jugement yawm al-qiyam. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a un diable, un djinn, un shaitan, une personne envieuse, une personne malsaine, une personne puissante, quelle que soit sa source de puissance. Il ne faut pas dire que cette personne, si elle veut me faire du mal, elle me fera. Non. Si Allah la laisse faire, il se peut que Allah t'éprouvera avec cela. Si Allah ne veut pas, elle ne pourra pas imposer à Allah Azza wa Jal de toucher ne serait-ce qu'un cheveu ou qu'un poil de ton corps. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu salam a dit à Abdullah ibn Abbas, ô jeune enfant, ô mon petit, sache que si la communauté tout entière venait à se réunir pour te réaliser un bienfait, elle ne pourra te réaliser qu'un bienfait qui t'a été prédestiné par Allah. Et si la communauté tout entière venait à se réunir, à te réaliser un méfait, elle ne te réalisera de méfait que ce qui t'a été prédestiné par Allah. 50 000 années avant de créer les cieux et la terre, il a écrit cela dans les tablettes préservées. Également, il n'y a pas de malchance qui est courant. Il n'y a pas de malchance qui fait que à cause de la malchance, tu ne réussis pas. La malchance, ça n'existe pas. Ce n'est pas un être. Ce n'est pas une puissance. Il n'y a pas de volonté. Le fait que tu achètes une voiture et que finalement, c'est une mauvaise voiture, et que tu achètes une deuxième voiture et finalement, elle a un défaut caché, et que tu achètes une troisième voiture alors que finalement, elle a un problème connu, ou finalement, tu achètes une quatrième voiture et finalement, c'est une voiture volée et tu vas... Ce n'est pas parce que tu as la malchance. Il n'y a pas de malchance dans cela. C'est une volonté divine. Allah a voulu te tester, t'éprouver, te faire subir des choses et il a fait que tu as pris ces voitures qui ont ces problèmes-là. Il n'y a pas de malchance. Et également, il n'y a pas de chance. Au sens qu'il n'y a pas une chance qui a une volonté, qui a une puissance, qui a une capacité de te faire réussir quelque chose. Tu vas acheter aux enchères, tu achètes un produit qui se vend très bien, 10 fois le prix. Tu achètes un deuxième produit, il se vend très bien, 5 fois le prix. Tu achètes une autre fois, tu dis « Ah oui, moi j'ai de la chance a fait que je gagne. » Ça n'existe pas de la chance. Tout est écrit, tout est décrété par Allah Azza wa Jal. Tout ce qui se passe, c'est une volonté d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui se passe, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu et qui l'a réalisé, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah veut se réalise. Ce qu'il ne veut pas, ne se réalisera jamais. Ce qu'Allah veut se réalise même si toutes les créatures venaient à s'interposer pour l'empêcher. Et ce qu'Allah ne veut pas, ne se réalisera pas, même si toute la création d'Allah Azzawajal venait à se réunir pour la réaliser. Tout ça pour dire que ce que tu vis dans ce bas-monde, c'est la volonté d'Allah. Allah l'a voulu. Et il se peut que dans ce que tu vis, il y ait des bienfaits subtils d'Allah. Donc vois à travers ce que tu vis comme bienfait. Tu gagnes de l'argent, tu perds de l'argent. Et tout ce qui va dans ce sens, tous ces bienfaits, dis-toi que c'est Allah qui les a voulus. Donc derrière, il y a un subtil bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jal, a'lam wa ahkam. كما لاحظتم أن الكلام عن كيفية تعبد لله عز وجل بهذا الاسم عظيم وجليل وماتع ويأخذ بمجامع القلوب والعقول فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكلام كله وأن يجعله صحيحا صوابا وأن يوفقنا للعمل بمقتضى ذلك. Donc vous avez remarqué mes frères en Allah que citer quelques aperçus de comment adorer Allah Azza wa Jal dans la vie de tous les jours à travers ce nom, c'est un sujet très, très prenant, très intéressant. Ça peut même répondre à beaucoup de nos questions. C'est pour ça qu'au début de ces cours, au début des cours concernant ce nom d'Allah Azza wa Jal, Latif, je vous avais dit que ça, comprendre parfaitement, ou parfaitement à notre niveau, hein, comprendre bien ce nom et le cerner, ça peut nous apaiser totalement et parfaitement dans notre vie ici-bas. Vraiment, si on avait une bonne compréhension, une bonne mise en pratique de ce que implique ce nom-là, wallahi, ça nous facilitera énormément. On pourra vivre sur terre comme si on est au paradis. Et c'est une des choses qu'a dû comprendre les plus prédécesseurs. Voilà pourquoi certains parmi eux, lorsqu'ils étaient éprouvés, ils louaient Allah, ils remerciaient Allah. Et ils utilisaient toutes choses qui leur arrivaient dans ce bas monde pour les renvoyer vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal, pour les orienter vers le droit chemin. Voilà pourquoi nous implorons Allah Azza wa Jal de faire que ce qui a été dit soit correct et conforme et qu'il nous permette d'apprendre encore plus et mieux. Et aussi, surtout, qu'il nous permette de mettre en pratique ce qu'il nous a appris et qu'il nous comble de ses bienfaits, nous tous, ainsi que ceux que nous aimons, ainsi que tous musulmans et musulmanes, à travers les époques et les lieux. Hada wallahu a'lam wa subhanaka allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Non, na'am. Le monde est petit et on s'est rencontrés par hasard. Souvent, deux personnes se rencontrent par hasard et vont dire oh, on est tombé l'un sur l'autre, le monde est petit. Dans le sens, c'est dans le même sens qu'on s'est vu par hasard. Quoi. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui ne sont pas connus, c'est ça, et c'est difficile. Au premier abord, et Allah est plus sage et plus savant, je ne vois pas de mal là-dessus, de dire que le monde est petit, parce que. Ça renvoie plus ou moins au sens de dire qu'on se rencontre alors qu'on n'aurait peut-être pas dû se rencontrer, on n'a pas planifié cela. Wallahu a'lam. Je ne vois pas de jugement particulier lié à ce que nous avons dit. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikoum. Dans le boîtier. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikoum. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.